Chapitre 286. L'interdiction formelle de toucher au bien de l'orphelin. Allah Ta'ala dit: ceux qui mangent, disposent injustement des biens des orphelins, ne font que manger du feu dans leur ventre. Sourate 4, verset 10. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière. Sourate 6, verset 152. Et il t'interroge au sujet des orphelins. Dis, leur faire du bien est la meilleure action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont alors vos frères en religion. Sourate 2, verset 220. 1614. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: évitez les sept péchés destructeurs. Les compagnons dirent: ô messager d'Allah, quels sont-ils? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: le polythéisme, la magie, le meurtre interdit par Allah sauf pour une cause juste, l'usure, la spoliation des biens de l'orphelin, la fuite du champ de bataille et la diffamation des femmes libres, chastes, croyantes et insouciantes. Al-Bukhari et Muslim.